La guerre est perverse. Elle transforme les hommes, elle tue les émotions, les angoisses, les peurs. Quand on est en guerre, on voit le monde différemment. La lecture est divertissante, elle nous maintient en vie. Si nous lisons, c'est pour rester humain. La philosophie de cette pensée en guise de confidence provient d'Omar, combattant syrien pour la liberté, de Daraya. Daraya est une banlieue de Damas que les forces de Bachar el-Assad se sont appliquées à détruire, jour après jour, bombardement après bombardement. Là-bas, plus de 8000 personnes ont résisté pendant 4 ans avant d'être contraintes de tout quitter pour échapper à une mort certaine. Tout quitter et surtout une bibliothèque secrète devenue lieu d'évasion en dehors du chaos du monde. Delphine Minoui, journaliste basée en Turquie et spécialiste du monde arabe, livre le récit poignant de ces héros de résistance à qui la lecture conserve l'humanité, développe la culture et permet d'entrevoir l'avenir trop souvent assourdi par le bruit des balles. Il a des airs de conte oriental, ce récit. Ici, la narration est un art. Mots doucement choisis, images immédiatement convoquées, qui pourraient presque se fondre en long métrage onirique et résolument humaniste. Une fiction, en somme. D'ailleurs, qui pourrait croire que des habitants côtoyant quotidiennement l'horreur en Syrie pourraient se battre pour préserver des livres, pour les protéger dans un lieu souterrain, qu'ils y découvriraient Shakespeare, que certains rêveraient de corner les pages du prince de Machiavel, qu'ils ont tous lu L'Alchimiste de Paolo Coelho, dont la quête et le défi de soi font écho à leurs idéaux révolutionnaires. Malgré l'innommable de la guerre, l'homme pourrait conserver sa part d'humanité, aussi nécessaire qu'improbable. Et pourtant, elle a bel et bien existé, cette bibliothèque, au milieu du chaos syrien, des amas de cendres, des sépultures préparées à la hâte, entre deux averses de barils d'explosifs, jusqu'à 80 par jour, pilonnant encore et encore ce qu'il reste de vie. Le manque de denrées alimentaires, apaisé par la lecture des 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey, best-seller de développement personnel, lu, dévoré et récité là-bas à Daraya. Au gré de conversations échangées sur Skype, WhatsApp ou par simple SMS, Delphine Minoui raconte surtout le quotidien de ses héros, Ahmad, Omar, Shadi, Ustez et tant d'autres. Le démarrage du conflit, les fondements de cette poche de résistance, leurs envies d'avenir avant et après, leurs émois amoureux, leur agilité à éviter les bombes, leur irrévocable besoin de témoigner et surtout le pouvoir des livres. Évasion, érudition, apaisement. Les livres, ces armes d'instruction massive qui font trembler les tyrans, dira l'auteur. Le livre ne domine pas, il donne, il ne castre pas, il épanouit, réplique Dabou El-Aïs, directeur de la bibliothèque, possiblement à l'endroit d'un Bachar el-Assad combattu historiquement à Daraya. Elle est une sorte de mythe de la caverne inversée, cette bibliothèque. Les habitants de Daraya descendent se nourrir dans une cave dont les règles sont aussi strictes que la médiathèque d'un quartier, et si surréaliste au vu du contexte syrien. N'oubliez pas de rendre vos livres à la date indiquée. Ou encore, respectez la tranquillité des autres et ne faites pas de bruit. Ils en ressortent émus, humains, déterminés. Lire, c'est résister. Ces passeurs de livres ont terriblement gagné en érudition lors des périodes de siège. Certains étaient ingénieurs, d'autres fils de paysans. Aujourd'hui, tous définitivement lecteurs. Leur rempart de dérision égrenée au cours du récit se risquerait presque à lancer un ironique « Merci la guerre, pour ça !» Et pourtant, bien vite, la réalité des assauts des forces d'Assad déchire, brûle et ventre les pages de leur trésor d'espoir, de leur refuge de papier. Le siège se durcit, le temps est compté, il va falloir partir. Ce récit est avant tout un acte politique, le signe que la littérature devient une arme de résistance, de résilience aussi. Un besoin de conserver son humanité, le dernier rempart de l'ignominie. Les livres nous ont sauvés, c'est notre meilleur bouclier contre l'obscurantisme, confiera Ahmad. Et ce récit est également un formidable travail journalistique des temps modernes. Enquêter, consigner, interroger, incarner, rapprocher les événements au moyen des réseaux sociaux et d'une formidable chaîne humaine, de traducteurs et d'habitants de Daraya, devenus reporters par circonstance. Lire et faire lire les passeurs de livres de Daraya, c'est faire exister ces héros et les faire entrer dans le panthéon d'une bibliothèque. Et c'est surtout les remercier de nous révéler ce que la littérature offre de mieux, notre part d'humanité.